بنزين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل. لا باش دابا. طيب فسنواصل في مراجعتنا. فايجالمون الوغ parmi les choses que nous avons dans le kitab, الاسم الموصول. طيب اسم موصول. C'est quoi le ism al-mawsoul, le muzakkar, le mufrad? Al-ladhi. Al-ladhi. Le mawsoul, ça veut dire quoi? Parce que moi j'ai l'impression que celui qui est arrivé. Là, mawsoul, c'est. Je ne vois pas comment on traduirait, tu vois. Là, dans ce sens-là, là. Vu que le mot en arabe il me parle pas, c'est dur de le. Mais bon, plus tard ça va. Je ne pourrais pas le traduire, je ne pas le traduire avec mon sol. C'est des choses qui font un lien en fait. Mm. Oui, il fait un lien. Maintenant, tu as cool. Elle talibou l'azi kharajan el fosli l'aina min Indonesia. Donc là, le talib qui est sorti, l'azi c'est pour être celui qui est. Talib. Donc en fait, quoi, il fait une sorte de lien entre talib et la phrase qui vient derrière. Il me précise, tu vois, celui ou qui est. Donc on a dit le muzakkar mufrad c'est al-ladhi. Et on a pris aussi le mu'annath mufrad c'est al-lati. C'est les deux seuls qu'il y a dans le kitab. Et Bab al-Fida, le jam, tu le connais? Le jam muzakkar? Al-ladhina. Al-ladhina. Ou le jam mu'annath? Al-lati. Ah, c'est avec le mad. Ah, ouais, Allati. Il y en a d'autres, mais celui-là, c'est le plus connu. Par exemple, Allazina, tu dis, in taqul wal asr, in al insana lafi khusr, illa allazina. Tu vois? Amanu wa aminu salihat. Wal. Allati, taqul. واللاتي تخافون نشوزهن فعظهن واهجرون في المضاجع واضربوهن كما في سورة النساء يسأل أن تأخذوا عمل alors exhortez-les et ensuite éloignez-vous d'elles ou frappez-les mais on, bien sûr frapper on sait ce que ça veut dire tu vois c'est pas tu la démontes ou quoi et souvent ça c'est un ordre que le, c'est un, une chronologie que beaucoup de gens ne prennent pas en compte le verset dit وعظهن وعظهن ça veut dire en premier exhortez-les ثم وارجلهن في المداجع et si elle n'écoute pas ton exhortation tu t'éloignes d'elle tu l'évites et si après ça continue encore là tu passes à le tableau dessus c'est le fait de frapper mais c'est pas frapper violemment vous voyez c'est secouer ou lui faire comprendre avec une certaine force sans pour autant la blesser ou le aujourd'hui les gens vont être frappés direct tu vois c'est pas il n'y a pas de وعظهن en premier ou de hajj c'est directement les coups. Et normalement, l'ordre, c'est ça. En premier, si tu parles, tu expliques. Après, elle ne comprend pas, tu l'évites. Même dans le tiroche, dans le lit, tu ne te mets pas avec elle. Tu vois, pour faire comprendre. Et après ça, si la femme continue encore à persister là-dessus, là, tu passes à l'étape du contact physique. Yani, je veux dire, le fait de frapper, mais frapper pas au sens propre du terme, comme nous, on le comprendrait. Naam. Ça y est. Ensuite, il y a les Dama'ir. Ça y est, il y a les Dama'ir. Alors déjà par rapport aux Dama'ir, on a dit que les Dama'ir, ils étaient... Aïwa, à la Qismain. Wa alaykoum moussam. El-moun fossil wa mut-tossil. El-moun fossil, c'est celui qui est détaché. Voyez, el-moun fossil, c'est celui qui est... El-mut-tossil, celui qui est attaché. Donc d'abord, on va commencer par le moun fossil. Ce moun fossil en lui-même, il est de trois catégories. El-mutakallim, c'est l'orateur. Ça va être Ana pour Mufrad ou Nahnu pour Jam. C'est-à-dire celui qui parle. Qu'est-ce que Al-Mukhatab, l'interlocuteur. Ça va être Anta, le Muzakkar, le Mufrad. Ou Anti, le Mouannef, le Mufrad. Ou Antum, le Jam, le Muzakkar. Ou Antunna, le Jam, le Mouannef. Et un qu'on n'a pas que dans le livre et qu'on rajoute. Le Moussanna, le duel, Antuma, vous deux. Vous voyez, vous deux. Qui est mixte, hein? Non, il est mixte. Il dit vous deux, les deux hommes, ou vous deux, deux femmes, ou deux, vous deux, un homme et une femme. Ensuite, il y a el-ra'ib, l'absent. C'est-à-dire celui dont on parle. Tu as l'il-mufrad, l'il-muzakar, huwa. L'il-mufrad, l'il-mu'annas, hiya. L'il-jam, l'il-muzakar, hum. Ou l'il-jam, l'il-mu'annas, hunna. Ou l'il-mufanna, huma. Voyez, huma. Et huma, on a dit pareil, il est mixte. Voyez. Ensuite, on a le muttasil, celui qui est accroché. Et le muttasil, on en a pris deux dans le kitab. On a pris le muttasil, muttasil bil ism, celui qui est attaché à un nom, ou muttasil bil fi'l, celui qui est attaché à un verbe. Voyez. Donc d'abord, le muttasil bil ism. Donc on va retrouver les trois mêmes catégories. Voyez. Le mutakallim, le mukhatab ou le ghaib. Le mutakallim, c'est quoi le domaine muttasil, le mufrad, le mufrad. Il y a mutakallim, t'as quoi le kitabi, mon livre à moi. Voyez. Ou le mutakallim, le jam, tu veux dire comment? Le jam. Avec kitab. Kitabukum. Là, mutakallim. Ah, mutakallim, kitab. Vas-y, celui qui parle. Qu'est-ce qu'il y a? Nous. Naam. Kitabuna. Kitabuna, notre livre. Naam. Après le mukhatab. Kitabuka, kitabuki. Naam. Après kitabukum. Naam. Kitabukun. Naam. Et kitabukuma. Ahsant. Sayyib. Thumma le ghaib. Kitabuhu. Kitabuhu. Kitabuha. Kitabuhum. Naam. Kitabuhunna. Naam. Kitabuhum. Naam. Kitabuhuma. Et le damir muttasil, on a dit quoi? Qu'en fait c'est un mudafilay. Voyez? Le damir muttasil, c'est un mudafilay. Quand tu dis kitabuhu, c'est comme si tu disais kitab Muhammad. Voyez? Donc là, seulement la haraka n'apparaît pas. Le damir, c'est un truc spécial, ça viendra plus tard. Les harakas, elles apparaissent pas. Ou du moins elles apparaissent, mais elles changent pas en fait. Elles changent pas. Donc, et il sera considéré comme étant un mudafilay. Le mot qui est avant, c'est un mudaf, et lui, c'est un mudafilay. Naam. Summa il y a le muttasil bil fi'l. Le damir le muttasil bil fi'l, celui qui est accroché au verbe. Et celui-là, on a dit c'était quoi? Un fa'il. C'est un sujet. Voyez? C'est un sujet. Donc on a pris quoi? Zahabtu. Min el fi'l zahaba. Allez, tu dis zahabtu. Zahabtu, c'est j'ai été, moi. Voyez? Donc là, tout, c'est un damir muttasil. Il veut dire je. Il revient à moi. Ensuite, zahabta, ey anta, tu es allé. Zahabti, tu es allé, la femme, à une femme, femina. Voyez, zahabtum, vous avez été. Ça, c'est vous. Voyez, zahabtunna, si vous avez été, au féminin, à des femmes. Zahabtuma, si vous avez été vous deux. Ou deux hommes, ou deux femmes, ou un homme et une femme. Voyez, zahaba, c'est il a été lui. Et là, zahaba, il est où le damir? On avait dit quoi? Moustatir. Il est dissimulé. Voyez? Il revient à Houa en fait. Mais on ne le voit pas. Zahabat. Et où le damir? Ta'ani, ta'akin. Et celui-là, c'est pour dire que c'est féminin. Moi, je veux le faire. Ta'il, il est moustatir aussi. Moustatir aussi. Je veux dire, sous-entendu, hiya. Et maintenant, là, zahabat, comme tu as dit, c'est un ta'anis. Sakina qui démontre que le fa'il c'est un mouannas, mais c'est pas un damir, c'est juste un harf. Thumma zahabtum, vous avez été, vous êtes allé. Zahabtunna, zahabtunna, si vous avez été, les femmes, c'est au féminin. Ça c'est pour le mukhatab. Et zahabtuma aussi, c'est vous deux. Zahabtuma, c'est vous deux, vous avez été tous les deux. Ensuite, il y a le ra'ib. Le ra'ib, à la fois, on était sur le ra'ib en fait. On était sur le ra'ib. C'est moi qui fais une étape. Donc, c'est un quoi? Hiya, naam. Donc, après, tu dis, naam, zahabu. Hum zahabu. Là, ça s'appelle, ce waouh, comment il s'appelle? Hum zahabu. Hum zahabu. Ils ont été. Ils ont été. Waouh, jama'a. Waouh, jama'a. C'est un damir. C'est un damir. Et c'est lui le fa'il. Waouh, jama'a. C'est pour le pluriel. L'iljam al-muzakkar. Wa alaykoum as-salam. Le féminin, c'est zahabna. Vous voyez? Zahabna. C'est nous ni toi. On l'a dit. C'est un nous tout seul. Zahabna. Il n'y a pas de med. Zahabna avec un med, c'est, on l'a oublié de le dire, c'est nahnu. Et là, c'est Zahabna. Il n'y a pas de med. Là, ça s'appelle nous ni toi. C'est un domir. Et en... elles ont été. Elles ont été, naam. Et non, on va s'arrêter là. Le moussanna, c'est un autre hukm qu'on prendra plus tard. Donc ça se concerne les verbes. Donc, zahabtu, j'ai été. Zahabna, nous avons été. Zahabta, tu as été. Zahabti, tu as été à une femme. Zahabtum, vous avez été. Zahabtunna, vous avez été des femmes. Zahabtuma, vous avez été tous les deux. Zahaba, il a été. Zahabat, elle a été. Zahabou, ils ont été. Zahabna, elles ont été. Et on s'arrête là. Et tout ça, c'est des verbes mardi. Tous les verbes passés, l'origine, c'est qu'ils se conjuguent comme ça avec Ad-Domir. Vous voyez ? On n'a pas, pris le Moudaria. Moudaria, c'est le présent, on n'a pas pris. Donc, on a pris aussi certains Zorouf, Zorf. On va aller comme ça. On dit que le Zorf, Zorf ou Al-Aqismain, il est de deux catégories. Zorf Mekhaen, c'est l'adverbe de lieu. Et dans le zaman, c'est l'adverbe de temps. Mathalan, zarf mekan, al-kitabu, tahta, al-maktabi. Tahta, là, ça veut dire quoi? En dessous. Donc là, c'est un zarf. Zarf mekan, un adverbe de lieu. Pareil, al-kitabu, fauqa, al-maktabi. La fauqa, c'est un zarf, pareil. Qui veut dire au-dessus. Le kitab est sur. Ou au-dessus plutôt, tu vois, au-dessus du bureau. On a pris aussi Inda. Salam, tu as Mohammedun Inda al-Mudiri. Donc là, Mohamed est chez le directeur. Ou Inda, ça veut dire chez. Et c'est aussi quand tu dis Indi chez, j'ai quelque chose moi, en fait. L'appartenance. Non. On a dit que Zarf, c'est quoi son i'rab? Il est mansoub, avec une fatha à la fin. Tahta, Fouqa, Inda. Il est mansoub, l'origine. Et il est souvent, très souvent, moudof. Et vient derrière lui, un moudof ilay. Donc attention à ne pas confondre entre le zorf ou harf jar. Fil bayti, tayeb. Ou, مثلا, al maktab ou fouk al maktab. Le sens, il est mutakarib, il est proche. Seulement, on a un, ala, c'est un harf jar. Et l'autre, fouka, c'est un zorf, c'est un nom, c'est un ism. Fais attention à ça. On a aussi parmi Zulouf, ma'a, avec. Vous voyez, ma'aka, ma'akoum, avec toi, avec eux. Vous voyez, ma'a, c'est un zorf, mech, on a dit. Un zorf, meken. Vous voyez. Comment tu dis moi? Ma'i. Ma'i? Naam. Ma'i. On a aussi une règle par rapport qu'elle émette ab ou ach. Qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit que s'ils font. C'est son même temps. Non, c'est son temps. C'est son marfou. Non, et Moudaf. Et Moudaf, il y a le. Tu écris avec un waouh. Non, par exemple, Ab tout seul, tu dis Aboun. Tu vois, avec un tanouin. Mais si jamais tu le rends Moudaf et le marfou, tu vas dire Abouka. Ou Akhouka. Il y a d'autres mots qui prennent la même règle, ils viendront plus tard. Ça s'appelle Asma al-Khamsa. On peut dire aussi Asita. Tu vois, c'est six mots qui ont une règle particulière qui leur est propre, qui ne s'applique que sur eux. Et parmi ces règles-là, que lorsqu'ils sont marfou et Moudaf, et ben, à la place d'avoir une Dhamma, ils ont un waouh. Yeb, Abouka, Arouka. Ensuite, il y avait. On a pris le dam, le pluriel. Yeb. Jam awalan lil muzakkar. Pour le masculin, on a dit qu'il est deux catégories. Imma jam taksir. Voyez, jam taksir. C'est le jam taksir, c'est celui dont l'apparence du pluriel diffère de celle du singulier. Mathalan, rajul, c'est le mufrad. Son jam c'est quoi? Rijalun. Voyez, on voit que quoi? Que rijal n'a pas la même apparence que le mufrad. Donc ça s'appelle un jam taksir. Kabir, Kibar, Tawil, Tiwal, Jadid, Jodud. طيب والجم تكسير on a dit que quoi il est mixte, il est mutlaq, il s'applique sur le mu'annas ou sur le muzakkar. Et le deuxième jam qu'on a pris pour muzakkar c'est jam al muzakkar al salim, voyez, c'est celui ou quoi où l'apparence du mufrad reste et juste on rajoute quoi un waou un noun à la fin. مثلاً مسلم تدي مسلمون طيب على كواو ونون مفتوحة طيب مدرس وجاكما مدرسون ainsi de suite celui-là est facile. Ensuite on a pris pour le مؤنث جم المؤنث السالم, c'est celui où on rajoute à quoi à la fin un alif ou un ta. Et très souvent, il vient pour le moineuf, pour le féminin. C'est une muslima. Muslimat, naam. Tabiba, tabibat, ainsi de suite. Mais attention, on a dit que ce jam n'est pas féminin dans l'absolu. Il peut venir d'un muzakkar. Mais le plus souvent, c'est qu'il vient d'un moineuf. Mais des fois, jam moineuf salim, il peut venir d'un masculin. D'un masculin, mais ça, c'est rare, c'est peu. Après, il y avait là, il répète les asmaïs shalom, on les a déjà tous pris depuis le début, alhamdoulilah. Le 16e, on rentre dans l'adat, je crois. Ah, ouais, c'est ça, non. En fait, là, c'est quoi la règle? C'est celle du pluriel du عيل عاقل. جمع عيل عاقل. طيب. المؤنث. نعم. Ça veut dire qu'on a dit quoi? Que tout ce qui n'a pas de raison, lorsqu'il est au pluriel, il vient comme un féminin singulier. حكمه مفرد المؤنث. مثلا كتاب c'est le مفرد. Son جمع c'est كتب. Tu vas dire هذا كتاب. Voyez, ça c'est un livre. Et le djem, tu vas dire hadihi kutubun. Ça veut dire quoi? Tout ce qui va s'en découler de ce nom-là va être quoi? Mu'annas mufrad. Sifa, ism ishara, damir. Toute chose qui revient à lui va être le hukm d'un mufrad mu'annas. C'est-à-dire hadihi kutub, hadihi kutubun jamila. Voyez, jamilatun. Alaykoum. Kifarok. Voyez. Hadihi kutub. Ou alaykoum. هذه الكتب هي لمحمد مثلا طيب tout ce qui tourne autour de جمع على عقيل دي بيت مؤنث مفرد دي بيت مؤنث مفرد ça c'est un truc qu'il faut faire très attention car c'est une règle spéciale mais inchallah quand la langue elle est habituée ça sortira tout seul mais au début c'est vrai que يستغرب منه c'est une règle qui paraît étrange. نعم. Qu'après on a pris aussi le Kamakulta, Nam. Là il y a le. Il n'y a pas le Tamiz avant. Ouais, ils sont dans le même derf tous les deux de toute façon. Donc on a pris le Mufanna. Le Mufanna c'est le duel. C'est le nom qui prouve sur deux choses d'une même origine. Taïeb. Mathalan. Kitab. C'est un livre. Pour dire deux livres, on va dire Kitabani. On va rajouter un alif et un noun maksoura. Taïeb Kitabani. On ne dit pas Kamakulna Isnan Kutub. On dit kitabani, rajulani, baytani, kalamani, ainsi de suite. On rajoute un alif ou un noun à la fin. On prend le même nom mufrad comme il est, et à la fin on rajoute un alif ou un noun. Et ça c'est pour les choses qui prouvent deux. On a pris le tamiz qui vient après kam. On m'a dit que kam c'est quoi? Ism mustifham, lil adad. Et le tamiz, ce sont dénombrés. Enfin tu vas dire kam, kitaban, lak. Combien de livres as-tu? Donc le tamiz, on a dit quoi? On a dit c'est un ism, awalan. Mansoub. C'est-à-dire sa harakat, c'est quoi? Une fatha. Nakira, nam. Il vient mufrad. Tayeb, il est singulier et il est nakira. Il ne prend pas d'alif ou lam, mais donc à la fin, il y a tanouin. Kam kitaban lak. Kam riyalan indak. Kam beytan lak. Kam zojatan lak. Ainsi de suite. Et tamiz, on a dit qu'il y a d'autres genres. On sait pour l'instant se contenter de celui-là, celui qui vient après kam. On les a déjà pris dans le Ismi Shahara, cela. Pourquoi on n'y revient pas? Tayyib. Ensuite, on a pris quoi? Ahkam al-Adad. Tayyib, les chiffres, les règles des chiffres. Un début. On a dit de, on a pris de 1 à 10. On a dit 1, c'est quoi? 1. Le, par exemple, quand on dit en arabe, wahid. Et pour dire une chose, tu vas dire par exemple, shayun wahid. Wahid, il vient en deuxième. Et ça va être quoi? Ça va être une sifa. Par exemple, tu dis, ja'a rajulun wahid. Il est venu un homme. Tout comme tu peux dire, ja'a rajulun. Fakat. Si tu dis, ja'a rajulun, on sait que c'est 1. Et le wahid, il vient juste pourquoi? Pour akkad. Il appuie la chose. Mais sinon, tu n'es pas obligé de le mettre. En tout cas, si tu le mets, wahid, son irlab, ça va être quoi? Ça va être une sifa. Il va prendre irlab du quoi? Du mardoud. Pour ce qui concerne 2, c'est le musanna. C'est le duel. On met alif ou noun. Par exemple, tu dis, عندي كتابان عندي قلمان عندي بيتان et ainsi de suite. Et tu peux dire عندي بيتان اثنان, tu peux le dire pour appuyer. عندي بيتان اثنان, tu peux mettre اثنان derrière pour appuyer. Mais si tu en passes, on a compris que tu veux dire deux. Tu vois, tu veux dire deux. Et maintenant on a dit là où la difficulté, c'est entre 3 et 10. Ah oui, c'était l'axe. Non, par exemple, on a dit que quoi? Al-adad yukhalif al-mahdoud fi tafkiri wa ta'nisihi. On a pas pris le tableau, je crois. Vous l'avez pas écrit? Vas-y, on devait le prendre. Si, c'est pas grave, t'as mémorisé. C'est pas... Si la règle, elle est acquise, alhamdoulilah, le tableau était juste pour faire entrer la règle. Par exemple, on a dit quoi? Que le nombre va contredire le dénombré s'il est féminin ou masculin. Si le dénombré est masculin, le nombre va être féminin, et ainsi de suite. Par exemple, tu vas dire salasatu rijalin. Salasa, là regarde, il est moins de 9. Pourquoi il y a un ta à la fin? Alors que le rijal, il est muzakkar. Et le dénombre, on a dit qu'il est quoi? Il va venir en jam, c'est un pluriel, et il va être mudaf ilayh. Donc il va prendre quoi à la fin? Kasra. Salasatu rijalin. Khamsatu rijalin. Sittatu rijalin. Par contre, si le dénombre le ma'doud, il devient mu'annas. Là, l'adad, il va être quoi? Le nombre, il va être muzakkar. Mathalan, t'akoul, salasu nisa'in, arba'u nisa'in, khamsu nisa'in, ainsi de suite. Jusqu'à 10. Et après de 11 à 99, c'est d'autres règles. Et après de 99 à 1000, ainsi de suite, c'est ouais. Ça prend des règles. Mais en fait, elles reviennent. Quand t'as compris de 1, quand t'as compris de 3 à 10, et après de 11 à 99, ça y est. T'as tout compris en fait. Le reste, c'est juste des répétitions, faire attention à l'un et à l'autre, ainsi de suite. Et c'est pour l'aqil, c'est pour tout, non, c'est pour tout, hein. Hein? C'est pour tout. Non, il n'y a pas de différence entre aqil et l'aqil. Mais juste le faire attention, c'est entre le mouzak et le mouannas. Et si par exemple on prend maktab, si je te dis, salasatu maktabin. Makatib. Salasatu makatib. Makatibin. Là. Il y a la waz mafa'il, il y a l'oum nasarf. ثلاثة مكاتبة. Ok, ثلاثة مكاتبة. أيوة. Et si par exemple tu mets, je sais pas moi, il y a une phrase qui vient avant, et على, ça va être ثلاثة تي. Comment? Ah non. Non. Le على il prend l'irlab de ce qui vient devant lui. Okay. Il peut être marfour, il peut être mansoub, il peut être majrour, ça dépend. Alors t'as cool. سلم تو على ثلاثة طلابين. J'ai passé le salam à trois طلاب, tu vois. T'as cool. رأيت ثلاثة طلابين. J'ai vu trois طلاب. Et tu dis جاء Salasatu Tullabin. Sont venus trois Tullabin, trois étudiants. Ça dépend en fait. Naam. Naam. Thumma. Ah ouais, bah justement, après on a vu l'erreur que j'ai faite là. C'était laquelle? C'était sur les pluriels. Il y a des pluriels dans la forme et ceci, c'est la. Ah, ça, ils vont venir maintenant dans le. Maman de sort. Et donc, pour terminer le livre, on a pris quoi? Al-ismu al-mamnu'u min as-sarfi. On a dit quoi? C'est un ism qui ne prend pas de tanwin. Et lorsqu'il est majrour, c'est avec une fatha et pas avec une kafra. Il y a différentes catégories. Et là, on a pris quoi en préambule dans ce chapitre-là? Par exemple, on a pris Asma al-alam al-mu'annas, les noms propres féminins. Aishatu, Fatimatu, Zainabu, voyez? Asma ou ainsi de suite. Donc les noms propres féminins, ils rentrent dans ce chapitre-là, et ils prennent pas de tanwin, طيب اذا في اسم مجرور ساكن فتحه فهمت دي سلمت على عائشه et non pas la عائشتي. Et dans cette porte, dans ce chapitre là on peut rentrer aussi les noms quoi, les noms muzakkar qui ont une apparence féminine, miss Hamza, Talha, Usama, Salama, ainsi de suite. Les noms masculins qui ont une apparence féminine rentrent dans ce chapitre. Ensuite, on a pris quoi? Aussi parmi ceux-là, on a pris les noms al-asma al-ajamiyya, les noms al-alam nam, les noms propres non arabes. Les noms propres non arabes, misl, Ibrahim, Ismaïl, Yaqub, Edward, Indonésia. Nam. Les noms propres non arabes. Asma al-alam al-ajamiyya. Et après, c'était les pluriels. Ensuite, il y a, parmi ceux-là, il y en a d'autres avant. Il y a le ism, alem, celui qui à la fin, alif wa noun. Comme Othman, tu dis Othmanou. Tayeb, Marwanou, Nourmanou, Sofianou, ainsi de suite. Et tu diras, Salamtu ala Sofiana. Tayeb, Salamtu ala Sofiana. Et aussi, parmi les choses qui ont un alif wa noun à la fin, les sifa, les choses qui définissent un trait de caractère ou un état, comme Johan, Anna Johan, j'ai faim, voyez, je suis affamé. Anna Rodchan, j'ai soif. Anna Rodban, je suis en colère, je suis énervé. Donc ce nom-là, là, Rodban, Rodchan, Kaslan, être fainéant, tout ça, il rentre là-dedans aussi et tu dis Anna, Mesalan, Rodbanou. Voyez, Anna Rodbanou. Tu dis pas Anna Rodbanoun. Voyez. Et pareil, si le majuro, tu vas mettre une fatra. Tu vas dire Salimtu ala Rajulin Rodbana. Alors que Rodbana est le sifa de Rajulin, seulement il va prendre une fatra. On a pris aussi les noms qui ont la forme Afael, comme Ahmed. Par exemple, Ahmed, on dit Ahmedou. Ou les sifa comme Akbar, plus grand, ou Asrar. Taïeb, on va dire Allahu Akbaru. Taïeb, et aussi les couleurs Akhdar, Asfar, Ahmar, Aswad, Abiyad. Taïeb, tout ce qui a l'apparence qui ressemble à Afael. Afael, on va dire c'est un patron, c'est une mesure. Tout ce qui ressemble à ce. Il y a un alif, non Afael. Non, il n'y a pas d'alif. Afael. Regarde les mots Akta. Abiyad, Ahmed, il n'y a pas d'alif. Juste au début. Tout ce qui a l'apparence de Afael, qui ressemble à Afael, et rentre dedans. On a dit aussi qu'il y avait Naam, certains pluriels qui viennent à la forme Masa'il, comme Masajid, Mafatih, Tabashir. Vous voyez, c'est d'humour là, ces pluriels là, ils rentrent dedans. Tu vas dire par exemple Masajidu, Dakhaltu fi Masajida, ainsi de suite. Katatu ala makatiba, daqaiq, manadil, fanajin, karasi. Là, il y a l'alif, je mets l'alif. Non, là, ils ont un alif au milieu. Masajid. Au milieu, il y a un alif. Et des fois, t'en as, ils ont un ya à la fin, t'en as, ils n'en ont pas. Par exemple, tu vas dire masajid, et tu vas dire mafatih. Là, il y a un ya. Entre le ta et le ha. Entre Naam. Et par Masajid, il l'aura pas. Il y en a certains qui ont un ya, certains qui l'ont pas. On a pris aussi les mots, et très souvent, beaucoup d'entre eux sont des pluriels, qui ont à la fin un alif mamdouda. Voilà. Un alif avec un hamza derrière. Comme, مثلاً, alim, c'est quoi le jam? Ulama'u. Tu vas pas dire ulama'un, tu dis ulama'u. Et on a dit que cette règle-là s'applique sur autre que le pluriel aussi. Tu as des mots qui ont à la fin un alif mamdouda comme ça, c'est des mufrad. Il faut qu'il y ait un hamza après. S'il y a un alif et un hamza, après tu as certaines règles encore. Tu vois, un certain nombre de lettres, elles sont sakina ou kada kada kada, ça rentre aussi dedans, à prendre en compte, ça viendra après. Il rentre dans ce chapitre-là. Il devient mamnou ou menassar. Kibar, il rentre là-dedans ? Non. Kibar, il rentre pas dedans. C'est lequel qui rentre dedans ? Asdika ou Zumala ou Wuzara ou. Donc ça dit c'est Sadiq, Asdiqa'u. Non, c'est Sadiq. Sadiq. Je te dis Sadiq, là ça va être Sadiqoun. Ok. Sadiq c'est véridique et Sadiq c'est ami. Asdiqa'u. Taïeb, Asdiqa'u. Et là c'est pareil. Donc si par exemple je dis. Haoulaï. Haoulaï, Asdiqa'u. طيب اصدقاء وعليكم السلام سي المجرور جاء اصدقاء نعم اصدقاء طيب et le chose parmi les choses les plus importantes du livre de ce livre là de ceux qui ont suivi derrière c'est ce qu'on appelle alamat al-i'rab les signes de l'i'rab طيب et يعني on en a pris trois dans le livre. On a pris الاسم المرفوع. طيب الاسم المرفوع c'est celui quoi qui ne donne pas à la fin. On a pris مثل المبتدا الخبر مثلا كان المبتدا الخبر مثلا تكون محمد قائم محمد مبتدا الى مرفوع قائم خبر الى مرفوع. On a pris le فاعل aussi جاء محمد محمد est venu محمد il prend une domma. طيب la sifa du marfou. La sifa, le nar du marfou va prendre comme lui. Taïeb. Ou le badel du marfou va prendre comme lui. Il va le suivre. On a pris El Majurur. C'est celui qui a la fin de kafra. C'est celui par exemple qui vient avec, après un harf jar ou qui est moudof ilay. La fin tu dis Dakhaltu fil bayti. Taïeb. Ou Aza Baytu Muhammadin. Ou bien alors la sifa de cette chose là. Ou le badel de cette chose-là. Ils vont prendre son irlob. Ils vont prendre la même harakat que lui. Et le troisième qu'on a pris, al-ism al-mansoub. Celui qui est une fatha à la fin. On a pris par exemple le zuluf. Fouqa, tahta, ainsi de suite. Et on a pris aussi le maful bihi. On a oublié de le citer. Maful bihi. Ce qu'on appelle nous dans notre langue le complément d'objet direct. Par exemple, tu dis akaltu. Akaltu, c'est j'ai mangé. Akaltu, tufahan. J'ai mangé une pomme. Donc là, tout faire, c'est ce que tu as mangé toi. Toi, c'est un ism mansoub, elle a dit waqa'a 'ala al-fi'l. C'est le ism mansoub sur lequel l'action est tombée. Voyez. Alors tu dis, darabtu, ça devait frapper. Darabtu al-walada, j'ai tapé l'enfant. Donc walada, c'est qui était tapé? C'est l'enfant. Donc il va prendre une fatha. Il est mansoub, il est mafoulun bi. Voyez, on a pris ça aussi. Et aussi le majzoum, c'est après. Ça c'est propre au verbe seulement. Donc on a pris le marfou, ism majrour. Et ces choses-là sont les piliers du nahou, de la grammaire. Car c'est par ces harakat à la fin de ce mot-là, cette dhamma, cette kasra ou cette fatha, vont te définir le statut du mot dans la phrase. Et tu pourras savoir son sens. Sa place, si c'est un fa'il, si c'est un mutada, si c'est un khabar, si c'est une sifa. Tu vois, c'est ces choses-là qui vont te définir. Nous, dans notre langue, c'est la place du mot. Alors qu'en arabe, c'est la harakat à la fin du mot qui te définit qui il est. Et celui qui n'a pas compris le nahou, il ne comprendra pas le sens des phrases. Tu vas dire avec une phrase, tu vas mettre le mutada à la fin, tu vas mettre le fa'il loin après, il va dire, bon là je comprends rien, c'est un nœud. Non, il faut que tu apprennes le nahou, tu apprennes les harakat à la fin des mots, et le jour où c'est automatique, tu lis le kutub sans harakat, tu sais tout, biznillah. Mais il faut s'habituer. Tu vois, il faut s'habituer. Et après ça devient automatique, biznillah. Vous voyez? T'as une question par rapport à ça? Donc là on a pris en résumé, tu vois, les règles. Et Inch'Allah Raden, on prend le vocabulaire. Fakot. Je vais t'interroger ma marna kaza et ma jam kaza. Ainsi de suite. Et tu avises les mots. Et après l'aïd, biznillah, on a trouvé le kitab ta'abir. Je te redemande pour être sûr, même si je t'ai déjà demandé, mais non. C'est là quand je révise, là, même si j'ai pas les définitions exactes et tout, c'est pas grave, du moment que j'ai compris. T'as compris, non, les définitions. Dans ma tête, on verra ça plus tard. Allez, les définitions, on va les prendre après. Si j'ai pas le mot en arabe, qu'est-ce que c'est, isme, non, c'est pas grave. Si t'as compris son sens et comment il s'emploie, comment c'est écrit, voilà. Après le reste, c'est top style sur son définition et tout. Si déjà tu l'as compris, le moment où tu as la définition, il sera facile à mémoriser. Voilà. Parce que tu l'auras compris déjà. Bien que là, on a appris des choses basiques. Le mutada, sa définition est plus large. Là, on a pris celle du début. D'accord. Alors, quand tu vas avec des maths, tu auras une définition plus large, qui englobe plus de choses, plus de règles qu'on n'a pas pris maintenant. Mais comme tu auras déjà compris ça, le reste sera facile à encaisser. Donc, si je mets tout depuis le début, le Mtada, vraiment comment il est, ça va être tranquille, tu vois. Tu vas dire, oh, oh, oh, oh, l'accent. Tu dis, c'est bon, comme on dit, j'apprends l'anglais, j'arrête l'arabe. Ma foule, ma hala. Ta y est, pas il est où, là. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.